بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 120 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. On est arrivé donc à la page 829, c'est le cours 120. Et donc on commence avec la parole que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné ici. Il dit: وَلِهَذَا ذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدْ حَرْبْ ابن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد أن وصفه للسنة التي قال فيها في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأصحاب المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم كفر أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس رضي الله عنه ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. Donc le cheikh il mentionne les paroles de Abu Muhammad Harb ibn Ismail al-Karmani. Et l'imam Harb ibn Ismail al-Karmani, c'est le compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il a composé un livre qu'il a intitulé As-Sunnah, dans lequel il explique les fondements et les principes d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et il débute dans son livre en disant que ce livre, c'est la position des imams de la science et des compagnons des gens de la narration, des gens de la Sunnah qui ont été connus pour leur attachement à la Sunnah. Et par le fait qu'ils prennent la sunna comme un exemple. Et donc il dit que quiconque contredit quoi que ce soit de ces positions, ou qui critique, hein, ou qui attaque ces positions, ou qui blâme celui qui prononce ou qui parle, hein, selon ces principes-là, alors c'est un innovateur qui est sorti de la jama'a. Et qui est sorti de la voie de la sunna et de la voie de la vérité. Et c'est la position de l'imam Ahmad et de l'imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Mukhlad et de Abdullah ibn Zubair al-Humaydi et de Saïd ibn Mansour et d'autres également parmi ceux avec lesquels nous nous sommes assis et de qui nous avons pris la science. Donc ça c'est l'imam Harb ibn Ismail al-Karmani, c'est lui qui dit ça. Puis il dit ensuite, et parmi leurs paroles, il y avait le fait de dire que la foi, c'est une parole, une action et une intention. Et il a commencé à mentionner beaucoup d'exemples et beaucoup de paroles après. Pardon, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où ils disent et nous reconnaissons les Arabes pour le droit qu'ils possèdent et leur mérite et le fait qu'ils ont été ceux qui ont précédé dans la religion de l'islam et nous les aimons par rapport au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que d'aimer les Arabes c'est une foi et de les détester c'est de l'hypocrisie. C'est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et Abu Naïm dans Al-Hilya selon le hadith de Anas ibn Malik rahimahullah. Toutefois, le hadith en question, il est daif, il n'est pas authentique, ce hadith là, et il est rapporté, Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans Jami' Da'if Al-Jami', Da'if Al-Jami', le hadith 2683. Et donc il a été également rapporté par Al-Uqayli dans son livre Al-Du'afa Al-Kabir. Donc yani, c'est un hadith qui est faible, donc on ne peut pas l'utiliser comme dalil ou comme preuve pour établir ce point là Ensuite, il dit, et nous ne disons pas, comme le disent Ash-Shu'ubiyya, hein, de même que les gens villes, parmi les gens qui n'aiment pas les Arabes, ou bien qui ne reconnaissent pas leurs biens ou leurs mérites, hein, parce que leur position est bid'a et contradiction. Cheikh Al-Fawzan, il va mettre un petit peu de clarification à propos de cette citation et de cette parole. Et il dit, Harb al-Karmani, sahib al-Imam Ahmad, lahu mu'allafun, fi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ah, dhakara al-Sheikh muqtatifan, ou qit'atan minhu, muqtatifan, ou qit'atan minhu, wa min thalika annahum yaquluna inna al-Iman qawlun wa amalun wa niyya. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وأنه مكون من قول باللسان وعمل بالجوارح ونية في القلب ولهذا قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفي هذا رد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان ينقص بالمعصية وإنما الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص بالمعصية وإنما يزول بالكلية ويكفرون بالمعاصي وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإنما يكفي من الإنسان أن يعتقد بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل وبعضهم يقول يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل وكل هذا غلط ولهم أقوال في ذلك والصواب قول أهل السنة والجماعة وهي مسألة معروفة ولكن الغرض من هذا السياق هو أن حربا رحمه الله قال ونعتقد للعرب حقها وفضلها فهذا من أصولهم وهذا كما سبق بيانه ليس على إطلاقه نعتقد للعرب حقها وفضلها في الجملة فليست أفضليتهم مطلقة وإنما إذا قاموا على دين الله عز وجل اجتمع لهم فضل العروبة الصافية والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى فهم يكونون بذلك أفضل من غيرهم أما إذا لم يوجد فيهم إيمان فإنه لا ينفعهم كونهم عربا دونك للشيخ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il dit حرب الكرماني أبو محمد حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله C'était le compagnon, l'ami de l'imam Ahmad. Il a écrit un livre sur la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et dans ce livre, il mentionne, en fait, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a cité une partie de ce livre-là. Et parmi les exemples de ce qu'il a mentionné, dans ce qu'il a cité, la parole de l'imam Harb al-Karmani, qui dit que la foi, c'est une parole, une action et une intention. Et ça, c'est en réalité la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'ah. C'est-à-dire que la foi est composée d'une parole de la langue, d'un acte du corps et d'une intention du cœur. Et c'est pour ça qu'ils disent, c'est-à-dire les gens de Ahl Sunnah, que la foi c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action faite par le corps. qui augmente avec les bonnes œuvres et qui diminue avec les péchés. Et il y a en ça une réfutation des Khawarij, qui disent que la foi, elle ne diminue pas par le péché, mais elle s'en va complètement, c'est-à-dire elle disparaît complètement. Donc lorsque quelqu'un fait un péché parmi les grands péchés, les Khawarij, ils considèrent que la foi, elle disparaît complètement. Et ils déclarent kafir tout musulman qui commet un grand péché. Et il y a dans ça également une réfutation des Murji'a. Les Murji'a sont ceux qui disent que la foi ne comprend pas les actions. Ils disent que les actions n'entrent pas dans la foi, que c'est suffisant pour quelqu'un de croire avec son cœur, même s'il n'a rien prononcé avec sa langue, même s'il n'a rien fait parmi les actions du corps. C'est pas grave pour eux. Du moment que la personne elle dit qu'elle croit dans son cœur, ça veut dire qu'elle est croyante. Et le cheikh il dit, et certains d'entre eux ils disent qu'il faut que la personne prononce avec la langue et croit avec le cœur, mais si elle n'agit pas par contre, si elle ne fait pas les actions, dans ce cas là c'est pas grave. Ça c'est les Murji'a, c'est la croyance des Murji'a, parce qu'ils n'incluent pas les actions dans la définition de la foi et dans la réalité de la foi. Et ils ont des positions et des paroles à ce sujet-là. Le cheikh il dit, mais la position correcte, c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, comme on l'a dit. Une parole de la langue, une croyance du cœur, une action du corps qui augmente avec les bonnes œuvres et qui diminue avec les péchés. Et il dit ensuite, et qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? C'est surtout dans le contexte de qu'est-ce que Al-Imam Harb il a dit, rahimahullah. Il dit, nous croyons que les Arabes ont leur droit et leur mérite. Et ça fait partie de leur fondement. Ça fait partie du fondement des gens de la Sunna. Et il dit que, comme cela a été mentionné précédemment, c'est-à-dire dans les cours précédents, on a expliqué que ça c'est pas de façon générale et absolue. C'est-à-dire le mérite des Arabes, le mérite qu'ils ont. C'est pas un mérite qui est absolu ou une excellence qui est absolue. On a dit que c'est quelque chose de général, mais c'est pas absolu, c'est pas absolu dans le sens que il y a des conditions pour que ce soit valable. C'est-à-dire que le cheikh il dit que par exemple pour que les Arabes puissent mériter cette excellence, eh bien il faut que il y ait réuni chez eux à ce moment-là yani le fait d'être établi sur la religion d'Allah. C'est-à-dire que leur excellence n'est pas absolue, il faut qu'ils aient établi la religion d'Allah et pour que ils méritent ce mérite-là ou cette excellence-là. C'est pas juste le fait d'être arabe qui les rend meilleurs ou excellents ou supérieurs aux autres, non. Il faut qu'ils soient sur la religion d'Allah et établis sur la religion d'Allah. Et qu'ils établissent le commandement d'Allah. Et s'ils le font, c'est-à-dire s'ils se tiennent sur l'ordre d'Allah et sur la religion d'Allah et son commandement et qu'ils respectent sa religion et sa charia et ses commandements, alors par conséquent, ils seront meilleurs que les autres. Toutefois, si on ne retrouve pas en eux ces conditions-là et qu'on ne trouve pas chez eux la foi, alors dans ce cas-là, yani le fait qu'ils soient arabes ne leur profitera en rien. Ne leur profitera en rien. Et le cheikh dit ensuite, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والأميون هم العرب سموا بذلك لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فالعرب يغلب عليهم عدم القراءة والكتابة فلذلك سموا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمي فكون الله جل وعلا اختار فكون الله جل وعلا اختار هذا النبي العظيم وعمم رسالته على البشرية فهو من العرب العميين وفي هذا تفضيل للعرب بلا شك والله عليم حكيم اختار العرب لأنهم أقدروا على الجهاد في سبيل الله لما جلبوا عليه من الشجاعة وعلى حمل هذا الدين وكانوا كذلك فإنهم قاموا بهذا الدين علما وتعليما وجهادا حتى بلغوه المشارق والمغارب فلا يجحد فضل العرب إلا من كان في قلبه نفاق لا يحب الإسلام لأن هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام فالذي لا يحب هذا الإسلام يكره من قام به وذكرنا أن فضل العرب ليس لمجرد أنهم عرب ولكن فضلهم لما قاموا به من نشر هذا الدين والقيام به والقدرة على بيانه وإبلاغه فالله لا يختار إلا من كان يعلم أنه كفاءة أن فيه لا يختار إلا من يعلم أن فيه كفاءة للقيام بما أمر به فإذا ما نظرنا إلى ما تحقق على يد العرب من القيام بهذا الدين وقبل ذلك اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم ففي هذا دليل على فضل العرب والعربية في الجملة. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 2 dans Surat al-Jumu'ah, c'est lui qui a suscité parmi les illettrés, c'est-à-dire les Arabes qui n'avaient pas reçu de livre auparavant, Allah les a appelés Ummiyin. Donc c'est lui qui a suscité parmi les Ummiyin, ceux qui n'avaient pas reçu de livre, parmi les Arabes, un messager. Il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes, qui leur récite ces versets et les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc, Al-Ummiyoun, les illettrés, ce sont les Arabes. On les a appelés Ummi, on les a appelés Ummiyoun par rapport au fait que le Ummi c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Et les Arabes en général ils avaient cette caractéristique de ne pas savoir ni lire ni écrire. Et on les a appelés ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même illettré dans le sens qu'il ne savait ni lire ni écrire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme prophète. Et il a rendu son message général pour tous les êtres humains, pour les Arabes, Al-Ummiyin, et les non-Arabes, et même pour les djinns. Et donc il y a dans ça, il n'y a pas de doute qu'il y a dans ça yani une excellence de la part des Arabes, il n'y a pas de doute. Et Allah est sage et Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et sage du fait qu'il a choisi les Arabes parce qu'ils avaient plus de capacité à lutter dans son sentier et à dépenser à faire des efforts et à démontrer du courage et à porter cette religion. Donc, lorsqu'ils ont été ainsi, ils ont mérité cette excellence parce qu'ils ont établi la religion d'Allah et avec science, et en l'enseignant, et en luttant dans son sentier, et ils ont fait cela jusqu'à ce qu'ils propagent et transmettent la religion à l'est et à l'ouest du monde. Et donc, nul ne va renier le mérite des Arabes, excepté la personne qui a de l'hypocrisie dans son cœur, et qui n'aime pas l'islam, car ceux-là, يعني لأنهم يعني la raison pourquoi s'ils les aiment pas, ils n'aiment pas l'islam, c'est parce que ce sont ces arabes là qui ont établi l'islam et qui ont propagé l'islam. Donc celui qui les aime pas, il n'aime pas l'islam. Il déteste ceux qui ont établi cette religion. Et nous avons mentionné déjà auparavant que le mérite des Arabes, il n'est pas uniquement du fait que simplement ils soient des Arabes, mais plutôt leur mérite est parce qu'ils ont établi et propagé la religion d'Allah et ils se sont tenus fermes sur cette religion, avec la capacité que Allah leur a donnée de la clarifier et de la transmettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va choisir que la personne qu'il a su, la personne qu'il a connue comme étant apte à tenir cette religion et à l'établir et à respecter son ordre et son commandement à son sujet. Et lorsqu'on regarde à ce qui a été réalisé par la main des Arabes et comment ils ont établi cette religion, et comment ils l'ont propagé dans le monde, et avant cela également le fait qu'il a choisi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, et qu'il a fait descendre le Coran dans leur langue, il y a dans ça une preuve claire du mérite des Arabes et de la langue arabe de façon générale. Ensuite le Cheikh il dit wa yurwa hadha al kalam عن أحمد نفسه عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الاستخري عنه رسالة أحمد بن سعيد الاستخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل العلم وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم وهم يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغيرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. Donc le cheikh il explique que, donc cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que cette parole elle-même elle est rapportée de l'imam Ahmad lui-même, c'est-à-dire non seulement de l'imam Harb ibn Ismail al-Karmani, mais également de l'imam Ahmad lui-même, dans la lettre de Ahmad ibn Saïd al-Istakhri, ou al-Istakhri, non, c'est pas facile, ce nom est pas facile, et il dit donc si c'est authentique, alors c'est une parole qui a été rapportée de l'imam Ahmad à ce sujet. Et donc c'est sa parole à l'imam Ahmad et la parole de la grande partie des hommes de science ou la majorité des hommes de science au sujet de cette question. Et il dit que oui, non, le compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal, oui, Harb ibn Ismail al-Karmani, un des imams des salafs, naam, et il a une aqida qui s'appelle justement la Aqida de, je pense que ça s'appelle As-Sunnah, son livre, et il est publié son livre, il est connu, c'est un des livres parmi les livres des imams des salafs, oui. Donc l'imam Ahmad a lui-même mentionné ce point-là et d'autres également parmi les imams. Et le cheikh dit qu'il y a un groupe des gens qui ont prétendu ou qui ont dit que, ou qui ont pris la position que il n'y avait pas de mérite à l'ethnie des Arabes sur les autres ethnies non arabes, et on les appelle ceux-là ash-shu'ubiyya. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, peut-être les populistes les nationalistes ou les populistes. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était à notre époque, c'était à l'époque avant, ce groupe-là. Et eux, ils défendaient, ils disaient que les Arabes sont pas meilleurs que les non-Arabes, et on les appelle ash-shu'ubiyya parce qu'ils défendent les shu'ub, les peuples. Parce qu'on sait que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé les gens en peuples et en tribus. Et les Arabes sont ceux qui ont des tribus, tandis que les non-Arabes, eux, ils se réfèrent à des nations et des peuples. Donc eux, on les appelait ash-shu'ubiyya parce qu'ils se distinguent par les peuples ou les nations plutôt que par des tribus. Et Et donc ensuite le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit: لقد كان الإمام أحمد يقول بفضل العرب كما في هذه الرسالة التي أرسلها إلى ابن سعيد الاسترخي وإن صحت نسبتها إلى الإمام أحمد فإن فيها مدح العرب لا مطلقا ولكن من ناحية ما قام به من نصرة هذا الدين وحمله مما قام به المهاجرون والأنصار وهم من العرب ولهذا قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والمهاجرون والأنصار من صميم العرب لأنهم إما من أهل مكة من قريش وأحلافهم وأتباعهم وإما من الأنصار وهم الأوس والخزرج من العرب القحطانية وأولئك من العرب العدنانية فهم الذين قاموا بهذا الدين خير قيام ونصروه وآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه فلا يجحد فضلهم في هذا إلا مبتدئ. Donc le Cheikh il dit que l'imam Ahmad lui aussi il mentionnait le mérite des Arabes et l'excellence des Arabes dans cette risala qu'il a écrit et qu'il avait envoyé à Ibn Sa'id al-Istarkhi al-Istakhri. Si cette lettre est authentiquement attribuée à l'imam Ahmad, il y a dedans la glorification des Arabes, non pas de façon absolue, mais yani, du point de vue qu'ils ont établi et défendu la religion d'Allah et qu'ils l'ont portée. Hein? Ils ont fait un grand sacrifice et un grand effort. Et parmi ceux qui ont porté cette religion, eh bien, il y a bien entendu Al-Muhajiroun et Al-Ansar. Et eux font partie des Arabes. Hein? Al-Muhajiroun, les habitants, les croyants qui ont été à la Mecque, qui ont cru à l'islam quand ils étaient à la Mecque, et les Ansar, les habitants de Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100, hein, il les glorifie en disant والسابقون الأولون, les premiers qui ont précédé dans la religion de l'islam et qui ont cru en l'islam en premier, parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la manière la plus parfaite. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et les Muhajirun et les Ansar, ils viennent directement des Arabes, hein? Ils sont le cœur des Arabes, hein? Ils sont parmi les meilleurs des Arabes, et ils viennent donc, les gens de Mecca, hein, les Muhajiroun, eux ils sont de Quraysh, ou bien ils sont des alliés de Quraysh, ou bien ils sont wa alaykoum salam wa rahmatullah, donc ils sont soit de Quraysh ou des alliés de Quraysh, il dit na'am, ou bien des gens qui sont reliés à Quraysh, tandis que les habitants de Médine, eux, sont les Ansar, et les Ansar sont composés de deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj sont deux tribus arabes qui habitaient à Médine. Et ces deux tribus-là sont devenues, hein, Al-Ansar, ce qu'on appelle Al-Ansar. Et le Cheikh, il explique que Al-Aws wal-Khazraj, ils sont des Arabes, parmi les Arabes de Qahtan et les autres de Adnan. Et ce sont ceux qui ont établi cette religion de la meilleure manière et qui ont défendu cette religion et qui l'ont propagée, et qui ont défendu cette religion et qui ont défendu également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont protégé. Donc nul ne va renier le mérite des Arabes, hein, et des Ansar et des Muhajirin, excepté un innovateur, hein, excepté un innovateur. Le Cheikh il dit: wa qawluhu wa dhahabat firqatun min an-nas ila an la fadla li-jins al-arabi ala jins al-ajam. والشعوبية الشعوبية هي التي تنكر فضل العرب وسميت بالشعوبية حسدا منهم للعرب لأنها من شعوب غير عربية وربما يكون هذا مأخوذا من قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فقد جاء في تفسير الآية أن الشعوب للعجم والقبائل للعرب. Donc le cheikh, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un groupe qui s'appelle Ash'oubiya, et eux, ils ne reconnaissent pas l'excellence des Arabes sur les non-Arabes. On les appelle Ash'oubiya. Donc eux, ils renient cette excellence-là des Arabes. Ils disent que c'est par jalousie qu'ils renient le mérite des Arabes ou l'excellence des Arabes. Ils disent qu'ils renient ça par jalousie parce que ils font partie des tribus non, ou des, plutôt des peuples non arabes, et probablement que cela est tiré du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Et le cheikh il dit ça, il a été mentionné, parce qu'il a été mentionné dans le tafsir du verset en question dans Surat al-Hujurat, que les peuples sont pour les non-arabes et que les tribus sont pour les arabes. Malgré qu'il y a des peuples, il y a aussi des non-arabes qui ont des tribus aussi. Il y a des peuples qui ne sont pas arabes et qui ont eux aussi des tribus. Comme par exemple dans certains pays, en Orient et en Occident aussi, même les Amérindiens sont connus comme ayant des tribus, des choses comme ça. Donc, il y a quelques exceptions aussi, mais ça c'est de façon générale. Les Hébreux aussi, les Juifs, ils avaient des tribus. En tout cas, il dit le cheikh ensuite: وَمِنَ النَّاسِ من قد يفصل بعض أنواع العجم على العرب أو ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit, et parmi les hommes, il y en a qui préfèrent certaines catégories de non-arabes sur les arabes. Il dit, et la majorité de ce genre de paroles ne vient que d'une sorte ou d'une forme d'hypocrisie, de nifaq, soit dans la croyance ou soit dans les actions qui découlent de la passion de l'âme, avec des ambiguïtés ou des faux semblants d'arguments qui sont impliqués par cela ou qui impliquent cela. Et il dit c'est pour ça que il a été mentionné dans le hadith que d'aimer les arabes c'est de la foi, tandis que de les détester c'est de l'hypocrisie. Donc on a mentionné que ce hadith là il est daïf. Toutefois c'est certain que si on parle des sahaba, que c'est quelque chose qui est vrai, que d'aimer les sahaba, ça fait partie de la foi, et de les détester, ça fait partie du nifaq. Ça, il n'y a pas de doute. Mais si c'est de prendre le sens du hadith qui est en question, ce hadith-là, comme on l'a dit, il est daïf de un, et que si on l'appliquait dans son sens absolu, sans limite, eh bien, ça voudrait dire, par exemple, d'aimer les arabes de façon générale, même s'ils sont des mouchriquins ou même s'ils sont des juifs ou des chrétiens. Ça, il y a pas de doute que c'est batil, ça fait pas partie de la signification correcte. Donc le cheikh il dit: wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a anna al kalam fi hadhihi al masail, il dit malgré que la parole dans ces questions, on peut on peut à peine en trouver de gens qui vont parler de ce genre de sujet, excepté selon les passions de l'âme et une part du shaitan dans les deux côtés, dans les deux extrêmes. Et ça, c'est haram dans toutes les questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est haram? C'est de parler selon les passions de l'âme. Le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là, il dit, إذا كان التفصيل إذا كان التفضيل تفضيل تعصب وهوى كان هذا مذموما فالذي يفضل العرب من أجل العصبية الجاهلية دخل في هذا الذم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتخار بالأنساب والإعجاب بالحسب ونهى عن ذلك أشد النهي لكونه من أمور الجاهلية. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un il considère l'excellence uniquement par rapport à un fanatisme ou bien une forme de racisme ou de chauvinisme ou bien selon ses passions, alors dans ce cas-là c'est blâmable. Donc il dit, celui qui préfère les Arabes uniquement par rapport à une forme de fanatisme, une forme de tribalisme ou bien de nationalisme, ça fait partie de la jahiliya, et ça rentre dans ce qui est blâmable, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se vanter de notre origine ou d'être ébloui par notre statut ou notre noblesse ou bien des liens de parenté qu'on possède ou du fait qu'on fasse partie de telle ou de telle classe sociale ou des choses de ce genre. Et cela a été interdit de façon très stricte et très sévère, parce que cela fait partie des affaires de la pré-islam, de la période pré-islamique qu'on appelle la jahiliya. Ça fait partie des choses de l'ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, فَالَّذِي يُفَضِّلُ جِنْسًا عَلَى جِنْسٍ من باب العصبية ومن باب الهوى فإن هذا يذم أما الذي يفضل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم ولغتهم ولما قاموا به ولما قاموا به من أعمال جليلة في مناصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإبلاغ هذا الدين وهذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم كان ذلك آية على إيمانه على مقتضى ما ورد في هذا الحديث وهذا وإذا أبغضهم كان ذلك منه علامة على نفاقه لأن هذا الدين نشأ منهم وكان قيامه بتضحياتهم وهممهم العالية التي جلبوا عليها. Donc le cheikh il dit, donc celui qui préfère une ethnie quelconque sur celle des Arabes, ou peu importe laquelle, mais sur un plan fanatique ou en se basant sur la passion, ça c'est quelque chose qui est blâmable, de préférer une ethnie ou un peuple ou une couleur ou une nation, peu importe, en se basant sur la fierté et la passion, et le nationalisme ou le tribalisme ou autre forme de fanatisme. Ça, tout ça c'est blâmable. Tandis que la personne qui préfère les Arabes sur les non-Arabes à cause de ce qu'ils ont dans leur comportement par rapport à leur langue et parce qu'ils ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont fait des grandes œuvres pour propager la religion de l'islam, et par le fait que le Coran a été révélé dans leur langue, eh bien ça c'est un signe qui indique la foi de la personne selon ce qui est mentionné dans le hadith. Toutefois, s'il les déteste, alors ce sera un signe de son hypocrisie, hein, parce que c'est eux qui ont propagé la religion au début. Et tout ce qui a été établi de la religion de l'islam, c'était par leur sacrifice et par leur grande motivation. Et comme on l'a expliqué, ceux qui ont propagé cette religion-là auparavant, en premier, ce sont les, hein, ce sont les muhajirines et les ansars. Et ils sont parmi les arabes. Et ce sont les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui les déteste, yani ça c'est un signe d'hypocrisie, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Non, donc on va s'arrêter ici, inchallah, pour le cours d'aujourd'hui. Donc on continuera demain. On continuera le cours, ce cours-là, c'est la semaine prochaine, lundi, mardi prochain, inchallah. Donc maintenant le temps entre le Maghreb et l'Isha à Montréal est devenu très court. On va peut-être changer l'heure bientôt, parce que là, 7h30, ça commence à être un peu serré. Puis aussi, le dimanche prochain, nous, on va changer l'heure. Donc, on va en revenir à l'heure d'été. On va rajouter une heure à notre montre. Donc, on changera encore l'horaire à ce moment-là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته